Chapitre 305. L'interdiction de dessiner des animaux, par exemple sur des tapis, des pierres, des vêtements, de la monnaie, des oreillers, et de faire des dessins sur les murs, les rideaux, les vêtements et autres, et l'ordre de détruire ces images. 1678. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Ceux qui dessinent ou sculptent des formes vivantes seront châtiés le jour de la résurrection. » Et il leur sera dit, donnez vie à ce que vous avez créé. Al-Bukhari et Muslim. 1679. Aisha, radiyallahu anha, relate cet épisode. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, revint un jour de voyage et vit des images sur un rideau que j'avais suspendu devant un enfoncement pratiqué dans le mur et servant de réserve. Son visage changea de couleur et il détruisit les images en disant, oh Aisha, les gens qui subiront le pire châtiment le jour de la résurrection sont ceux qui tentent d'imiter la création d'Allah. Al-Bukhari et Muslim. 1680. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Quiconque aura dessiné ou sculpté des formes vivantes sera jeté dans le feu, où il sera tourmenté par chaque image qu'il aura créée et à laquelle une âme sera insufflée. » Ibn Abbas ajouta « Si tu dois vraiment dessiner quelque chose, alors contente-toi des arbres et de tout ce qui n'a pas d'âme. » Al-Bukhari et Muslim. 1681. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Quiconque aura dessiné ou sculpté des formes vivantes ici-bas sera chargé d'y insuffler une âme le jour de la résurrection, mais sans en être capable. » Al-Bukhari et Muslim. 1682. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Les gens qui seront les plus tourmentés le jour de la résurrection sont les dessinateurs et les sculpteurs. » Musawwirun. Al-Bukhari et Muslim. 1683. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte qu'il entendit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Allah Ta'ala a dit « Qui est plus injuste que celui qui prétend m'imiter dans ma création? Qu'il crée un atome, qu'il crée une graine, ou ne serait-ce qu'un grain d'orge. » Al-Bukhari et Muslim. 1684. D'après Abu Talha, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Les anges n'entrent pas dans une maison où se trouve un chien ou une image. » Al-Bukhari et Muslim. 1685. Ibn Omar, radiyallahu anhuma, rapporte que Jibril, l'ange Gabriel, avait promis au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, de lui rendre visite. Cependant, il tarda à venir, ce qui attrista le prophète, sallallahu alayhi wasallam. En sortant de chez lui, il rencontra Gabriel, auquel il se plaignit de son retard. Gabriel répondit, « Nous n'entrons pas dans une maison où se trouve un chien ou une image. » Al-Bukhari. 1686. D'après Aisha, radiyallahu anha, Gabriel avait promis au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, de lui rendre visite. Mais à l'heure dite, Gabriel n'était toujours pas arrivé. Aisha ajouta, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, jeta alors avec force le bâton qu'il tenait à la main, en disant, ni Allah, ni ses messagers ne manquent à leur promesse. Il tourna alors la tête et aperçut un chiot sous son lit. « Quand ce chien est-il entré ? » interrogea-t-il. « Par Allah, je ne sais pas, » répondis-je. Il ordonna qu'on le fasse sortir. Gabriel vint alors et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui dit « Tu m'as promis de venir, je t'ai donc attendu, mais en vain. » Gabriel expliqua « C'est le chien qui se trouvait chez toi qui m'a empêché d'entrer, car nous n'entrons pas dans une maison où se trouve un chien ou une image. » Muslim. 1687. Selon Abu al-Hayyaj, Hayyan ibn Hussein, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, lui a dit « Veux-tu que je t'assigne une tâche que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, m'avait assignée ? Ne laisse aucune image sans la détruire, ni de tombe surélevée sans la planir. » Muslim. 1687.